Baou baou, la vie nous donne rendez-vous. Baou baou, pas très vraiment bien loin du tout. Baou baou, on se retrouve à manquer de coups. On se retrouve comme chez nous, un beau coin comme ça se peut pas. Les forêts remplies de bois et des lacs un peu partout. Attendez, c'est pas tout. Des petits motons au grand cœur qui se font en quatre pour souffler et travaillent en harmonie. Bâtir le paradis sur terre. Pour tout le bien défoncé à chercher dans le monde entier. Baou baou, y'a rien de qu'à Saint-Timothée. Salut toi. Ouh baou baou baou. Ouh baou baou baou. Baou baou, y'a rien de qu'à Saint-Timothée. Baou baou, la vie nous donne rendez-vous. Baou baou, pas très vraiment bien loin du tout. Baou baou, on se retrouve à manquer notre coup. On se retrouve comme chez nous. Toutes nos associations mettent la vie dans la région et voir ce qu'on est prêt à faire pour bâtir le paradis sur terre. On peut te défoncer à chercher dans mon entier. Baou baou, y'a rien de qu'à Saint-Timothée. On peut te